Bonjour à tous. Hello, allemaal. On est très, très, très nombreux ici. Est-ce que vous êtes chauds? Vous êtes une sauveur. Vous êtes une valeur. On est ici pour une seule cause. We zijn hier voor één en dezelfde zaak. La libération du peuple palestinien. De vrijheid van het Palestijnse volk. Un cessez-le-feu immédiat. We willen een onmiddellijk staakt het vuren. La reconnaissance de l'état d'apartheid. Tegen de Israëlische apartheid. La fin de la colonisation. Tegen de kolonisatie. Mais pour que eux là-haut, nous entendent. On va devoir faire que notre colère soit saine et soit claire. Donc à cette manifestation, on va vous demander de respecter des règles. Dat ze ons daar boven allemaal goed horen. Maak lawaai! Maar onze boodschap moet duidelijk en helder zijn. Première règle. La paix exige de la clarté. Om vrede te bekomen hebben we duidelijkheid nodig. On est en colère et c'est normal. We zijn allemaal kwaad, dat is normaal. Mais on va en faire quelque chose de bien. Maar we gaan dat op een goede manier uiten. On va être nombreux à crier les mêmes mots. We gaan de juiste woorden gebruiken. Pas de mots antisémites. Geen antisémitisme. Pas d'appel à la haine. Geen oproepen tot haat. Pas d'appel à la au crime. Geen rechtvaardiging van oorlogsmisdaden. Pas d'appel au rejet. Alors attention. Maintenant, on va commencer un premier temps de discours ici sur scène pour écouter des gens qui sont été là-bas, qui se connaissent, qui comprennent la situation. We gaan eerst luisteren naar vier mensen die de situatie heel goed kennen. Ensuite, on ira marcher. Daarna gaan we een tour optocht doen. Et on reviendra ici. En daarna komen we terug naar hier. Et alors à tous ceux qui sont ici pour la Palestine. Voor iedereen die hier voor Palestina is. On va marcher sur un seul et même drapeau. We wandelen op één vlag. La solidarité demande parfois de l'humilité. We hebben bescheidenheid nodig als we solidair willen zijn. Donc à tous les autres drapeaux de la salle. We hebben één vlag nodig. Rangez-les. Aujourd'hui, c'est le peuple palestinien qui demande dignité. De andere vlaggen steken we in onze zak. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Alors à ceux, je vais vous demander autre chose. Il y a des enfants parmi nous, il y a des familles nombreuses. Faites attention les uns aux autres. Et si besoin, il y a la Croix-Rouge qui est juste là derrière. Het Rode Kruis, als jullie iets nodig hebben, zijn hierachter. Probeer nog een beetje op te schuiven, er zijn nog heel veel mensen die aankomen. Il faut donner accès, s'il vous plaît, à tous ceux qui en auraient besoin. À tous ceux qui en auraient besoin. On va vous demander de faire une manif que l'histoire retiendra. De geschiedenis zal ons onthouden. On est la capitale de l'Europe. We zijn de hoofdstad van Europa. Et on va le rappeler à tout le monde. En we gaan iedereen doen herinneren. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Attention, pour le premier discours, et pas des moindres, on accueille un homme qui a compris le combat palestinien depuis des années, Pierre Galland de l'association belgo-palestinienne. Merci. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Vous êtes au rendez-vous de l'histoire. Vous êtes aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire. Et nous sommes là pour dire à Madame von der Leyen. C'est une honte pour l'Europe. C'est une honte pour l'Europe. Aujourd'hui, dans le monde, des centaines de millions de gens se mobilisent aux côtés du peuple de Palestine. aujourd'hui, ensemble avec 100 000 personnes à Londres, avec à cette heure-ci à Paris des dizaines de milliers de gens, et vous autres qui êtes déjà ici, plus que 25 000 autour de ce feu. Nous sommes là pour dénoncer le programme génocidaire de M. Netanyahou, de son gouvernement, de son armée et des colons israéliens qui massacrent le peuple palestinien. En 15 jours, plus d'un million de Palestiniens ont été victimes de bombardements incessants, y compris des bombes au phosphore. Plus de 5 000 Palestiniens sont morts en quelques jours et les blessés se comptent par dizaines de milliers. Aujourd'hui, plus d'un million de nos frères palestiniens sont obligés de reculer devant une offensive criminelle de la part de l'armée israélienne et de son gouvernement. Chers amis, refusez l'eau, refusez l'électricité, refusez les secours alimentaires et la solidarité internationale à Gaza, c'est condamner à mort un peuple sans défense, c'est un crime contre l'humanité, c'est une violation grave de toutes les conventions de Genève et du droit international. Ne pas arrêter les bombardements. Ne pas arrêter l'offensive militaire. Quand on en a les moyens et l'obligation internationale, eh bien, c'est être complice. Aujourd'hui, l'Europe est complice du massacre des Palestiniens. Et je vous propose maintenant, en hommage à toutes ces victimes, de respecter une minute de silence. Merci. J'ai dit, et nous ferons entendre au Parlement européen, à la Commission européenne, au Conseil européen et à M. Borrell, notre représentant de l'Union européenne pour l'étranger, nous allons leur dire qu'ils sont aujourd'hui complices d'un criminel de guerre. Nous sommes là, vous et moi, pour soutenir un peuple digne, un peuple qui a droit à la liberté, un peuple qui est victime d'un nettoyage ethnique, et pour dénoncer cette nouvelle étape de la Nakba. Nous disons non, non au crime de guerre. Nous sommes ici pour dire à notre gouvernement, puisque nous sommes à Bruxelles aussi, nous sommes ici pour dire à notre gouvernement qu'il doit et qu'il a l'obligation de contribuer à mettre fin immédiatement à cette guerre indigne, injuste et criminelle. Nous sommes ici aussi pour dire notre solidarité avec les gens de Cisjordanie et les gens de Jérusalem qui sont aujourd'hui victimes d'une agression non qualifiée, inqualifiable de la part des colons soutenus par l'armée israélienne. Il faut mettre fin à la guerre, mettre fin à la colonisation, des territoires palestiniens, mettre fin au crime d'apartheid qui est commis au quotidien contre le peuple de Palestine. Nous sommes ici pour dire à nos gouvernants que le peuple palestinien est un peuple digne, qui a tous les droits fondamentaux qui ont été prévus pour tous les peuples du monde, à leur droit à l'autodétermination. Nous devons être attentifs en permanence, nous devons nous remobiliser tant que Gaza ne sera pas libéré. Nous devons être capables de nous mobiliser tant que la Palestine ne sera pas libérée. Nous sommes ici pour exiger que nos États qui se disent démocratiques appliquent les lois internationales qui protègent les peuples, qui protègent et qui doivent protéger le peuple de Gaza. Nous sommes ici pour dire aussi que nous sommes avec le peuple de Palestine, que nous sommes pour un monde de coexistence, que nous allons faire notre devoir de solidarité avec le peuple de Palestine et que nous sommes solidaires de cette cause parce qu'elle est juste, parce qu'elle est celle du droit des peuples, parce que sans la Palestine libre, indépendante, autodéterminée, il n'y aura pas de paix en Méditerranée. Unis, nous sommes unis ici aujourd'hui derrière ce magnifique drapeau de Palestine. Ce drapeau qui est en nos cœurs. Et nous sommes et nous devons le rester. Il est important que ce que nous avons fait mercredi passé, que ce que nous faisons aujourd'hui et que ce que nous ferons demain soit écrit dans cette page de l'histoire de la libération du peuple de Palestine. Vive la Palestine! Vive Gaza! Vive la solidarité des peuples! Merci! Quand on veut aider un peuple, on lui donne la parole. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec deux Palestiniens de la diaspora. L'un va s'exprimer en arabe et l'autre va s'exprimer en français. Merci à Mounir Naïm. Marhaba Bruxelles. نجتمع اليوم ببروكسل مع هذه الأعداد الكبيرة من أجل فلسطين. من أجل غزة، من أجل كل شبر بوطننا الحبيب. نحن هنا فلسطينيون مع أحرار العالم في ساحل شومان. هذه الساحة التي أنشئت للحيلولة دون وقوع حرب عالمية ثالثة. نتظاهر اليوم بهذه الساحة بعد أن فقدت أسس قيمها. وتساهم الآن ليس فقط بالحروب بل بالإبادة الجماعية. ولكن نخبركم ونخبر أهلنا بغزة بأننا نحن وأحرار العالم نقف معكم فحريتكم حريتنا ونعدكم بأن نبقى معكم حتى يحاسب كل من أجرم بحقكم وعلى رأسهم رئيسة المفوضية أرسولا فون دير لاين. أرسلة التي دعمت وتدعم هذا الاحتلال الفاشي بقتلنا وتجويعنا. من هنا نطالب البرلمان الأوروبي بإقالتها فورا ونحن لاحقا سنلاحقها وقادة الاحتلال بمحكمة الجنايات الدولية. غزة هذه المدينة الصغيرة المحاصرة منذ 17 عاما لم تستسلم أمام أعداء آلة حرب بالمنطقة بل قاومت وتقاوم وتوجت هذه المقاومة بالسابع من أكتوبر ليثبت الروح والدم نأتيك يا أقصى أثبت الشعب الفلسطيني لعالم أجمع بأنه لم ولن يهزم بل على العكس تماماً يزداد تمسكاً بحقه المطلق بمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال وتزداد قوته المستمدة من إيمانه العميق بعدالة قضيته وبحق العودة والحرية وتقرير المصير. أكثر من 70% من الشهداء حتى الآن هم أطفال ونساء ومسنين، وهذا يعبر فقط عن همجية الاحتلال وهدفه بكسر إرادة شعبنا، لأنه يدرك تماماً أن لا هزيمة عسكرية لشعب يقاتل من أجل حريته، فهو ينتقم وفقط ينتقم. لقد قصف البيوت والمشافي وقصف المدارس والكنائس التاريخية والمساجد، والعالم صامت عن هذه الجرائم بل ويعطيه الضوء الأخضر والدعم العسكري. هذا العالم الذي يدعي حقوق الإنسان ويدمر دولاً كاملة بحجة نشر الديمقراطية أثبت لنا اليوم بأن ازدواجية المعايير هي أساس تحركه، وحقوق الإنسان تعتمد على لون البشرة والمصالح الاستراتيجية. وأثبت أيضاً أن هذه الدول ما هي إلا تابعة للأوامر الأمريكية، وإذا تناقضت هذه الأوامر مع القانون الدولي وحقوق الإنسان سيتم تجاهلها. حتى الأمم المتحدة التي تعودنا على إداناتها على الورق والتي لم تسعف يوماً طفلاً من أطفال فلسطين لم تستطع اليوم حتى الإدانة. ليقف الأمير العام للأمم المتحدة على معبر رفح يستجدي إدخال بضع شاحنات معبأة بالأكفان، ونقول له ولكل العالم اجمعوا ما شئتم من أكفان لنا فنحن على العهد باقون، ونقول لكم الوطن أو الموت، باتريا أو موهرتي. Free Palestine. From the river to the sea. Palestine will be free. Depuis 15 jours, Israël cible brutalement et sans relâche les Palestiniens et Palestiniennes de la bande de Gaza. 2,3 millions de personnes vivant dans une prison à ciel ouvert depuis 16 ans, isolées de leur peuple et du reste du monde. Bien engagée dans sa troisième semaine, l'agression à caractère génocidaire d'Israël a tué 4 500 Palestiniens, dont près de la moitié sont des enfants, et en a blessé plus de 14 000. Des centaines de personnes restent bloquées sous les décombres et sont probablement mortes à l'heure actuelle. Massacre après massacre, d'innombrables massacres. Depuis, plus d'un million de Palestiniens ont été déplacés de force, cherchant refuge là où ils peuvent, alors qu'aucun endroit n'est sûr à Gaza. Israël a bombardé des hôpitaux, des abris, des maisons, des églises, des mosquées, des boulangeries, et a rasé une grande partie de Gaza. Israël a coupé l'approvisionnement d'électricité, d'eau, de médicaments, de nourriture. Les gens sont à la recherche d'eau, du pain, de linceul. Il y a une pénurie de linceul à Gaza, ces draps mortuaires indispensables au respect des morts. Israël a qualifié les Palestiniens d'animaux pour justifier leurs crimes de guerre qui vont bien au-delà de toute raison humaine, morale et juridique. Nous nous trouvons ici, dans le quartier européen, devant le Parlement européen, Alors qu'Ursula von der Leyen a déclaré son soutien total au massacre que le peuple palestinien subit. Nous sommes ici aujourd'hui pour lui envoyer un message clair. Ne la laissons pas soutenir ce massacre en notre nom. Israël commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Nous accusons. Génocide. C'est un génocide. Et ce n'est pas la première fois. Israël a mené une guerre contre le peuple palestinien il y a 75 ans déjà. Nous l'appelons la Nakba. Et le constat est clair. La Nakba est en cours. Israël continue d'expulser et de déposséder notre peuple de ses maisons et de ses terres. De Gaza à Jérusalem, en passant par le désert Naqab. La Nakba continue avec des massacres systématiques de Palestiniens par les militaires et les colons israéliens, avec des déplacements forcés, avec l'interdiction de libre circulation dans notre propre pays, avec les arrestations massives et arbitraires, avec l'effacement de notre langue et la volonté de faire disparaître nos routes et nos villes. Et la liste continue. Et cela continuera tant que nous serons opprimés et privés de nos droits les plus fondamentaux de nous rassembler et de déterminer notre avenir, de vivre en liberté. Plus de 75 ans plus tard, au lieu de mettre un terme à cette guerre perpétuelle contre le peuple palestinien, les dirigeants du monde se tiennent aux côtés d'Israël, une fois de plus. Plus de 75 ans plus tard, au lieu de mettre un terme à cette guerre perpétuelle contre le peuple palestinien, les dirigeants du monde refusent aux Palestiniens leur droit de résister à l'oppression, une fois de plus. Assassin, Israël, assassin, Israël, assassin. Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin. Le monde continue de diaboliser non seulement notre existence, mais aussi notre résistance, ignorant que résister à la colonisation par tous les moyens nécessaires est un droit, notre droit, tel qu'il est écrit dans le droit international. Des appels au boycott, des sanctions, de la désobéissance civile et surtout une résistance armée. Les dirigeants du monde entier soutiennent et applaudissent Israël, alors qu'ils violent une fois de plus le droit des Palestiniens et des Palestiniennes. Les médias ne font pas mieux. Au milieu du siège total, des massacres de Palestiniens et de punitions collectives, les médias mainstream et occidentaux ont emboîté le pas, en s'appuyant davantage sur le récit d'une déshumanisation et d'une diabolisation systématique des Palestiniens. Tous ces éléments déforment le génocide en cours et permettent sa poursuite. Nous savons que nos vies ont moins de valeur aux yeux de certains, mais nous sommes convaincus que les peuples libres du monde entier n'abandonneront pas la Palestine. Le monde entier ne nous laissera pas combattre seul cette machine à tuer coloniale. Plus jamais. Les peuples du Yémen en Espagne, en passant par Rabat, Sydney, Londres, Bruxelles et au-delà, font passer un message clair: libérez la Palestine! Il est temps de se lever pour la Palestine, exiger la fin immédiate de cette attaque, un cessez-le-feu, maintenant. Nous exigeons la fin du siège, nous exigeons la fin de la colonisation, nous exigeons un nouveau départ où tous les Palestiniens et Palestiniennes seront réunis et libres. Il est grand temps de mettre fin à l'impunité, il est grand temps de mettre fin à l'injustice. Il est grand temps de mettre fin à tous les systèmes d'apartheid et d'oppression. Nous ne pouvons pas permettre un autre génocide. La Nakba palestinienne doit prendre fin. Free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free Palestine. Free, free Palestine. We willen nu het woord geven aan de coördinatrice van Intel, Isabel van Brabant. Hello, everyone. I'm from Flanders. Where are you from Flanders? I think it's important. Also, Flemish people want to show solidarity. Ook Vlaanderen wil zijn solidariteit tonen. Ook Vlaanderen is triest. Ook Vlaanderen is boos. Also, Flemish people are really sad and they are also angry. And they want to show their solidarity. That's why I do a small speech in my language, Dutch. Daarom doe ik een kleine speech in mijn taal, Nederlands. Ik ben activiste. Ik ben moeder, maar ik ben vooral ook een mens. En de voorbije 2 weken was het heel heftig op al deze vlakken voor mij. Maar ik was ook verwonderd van zoveel mensen die dingen wilden opzetten, veel jongeren ook. En ik had mijn mama aan de telefoon en mijn mama zei: waarom steunt onze regering nog altijd Israël, terwijl duizenden Gazanen, Palestijnen worden afgeslacht? Mijn mama stelde de juiste vraag. Als vredesbeweging, als vredesactivisten zeg ik met klem en ik blijf herhalen. We veroordelen alle willekeurige aanvallen op burgerslachtoffers, wereldwijd. Het zijn onschuldige slachtoffers die het gelag betalen van gruwelijke oorlogen. Vandaag nog in de online krant. Weer 55 doden in Gaza. En ook 4 doden op de westelijke Jordaanoever. 5000, ja. Het zoveelste slachtoffer in 75 jaar durende bezetting. Laten we alsjeblieft met waardigheid herdenken. Dit zijn niet alleen nummers. Dit zijn levens. En waarom? Waarom ben ik boos? Dit allemaal had kunnen vermeden worden. Ik ben niet boos op zoveel Vlamingen, op zoveel Belgen die niet weten wat de realiteit is van 75 jaar bezetting. Ik ben niet boos op hen, maar ik ben boos op onze verantwoordelijken, op de regeringsleiders. Ik ben boos op onze Belgische, Europese en Noord-Amerikaanse regering. Ik neem het hen kwalijk. 104 VN-resoluties. 104 VN-resoluties die aanklagen volgens internationaal humanitair recht wat er aan de hand is. En toch kijken onze regeringsleiders nog liever de andere kant op. En niet passief, actief. Houden ze het hand boven Israël. Actief. En dat moet nu stoppen. Want er zijn zoveel levens. Zoveel levens. En net nu, op dat moment, wordt er gediscuteerd over een staakt het vuren. Daarom roep ik mee op bij mijn organisatie, met mijn volle overtuiging. De manif zegt: stop het bloedvergieten! Stop het bloedvergieten! Stop de straffeloosheid! We eisen vandaag aan onze regering, aan de Europese regering hier vlakbij, een staakt het vuren! En we zeggen: er kan alleen maar een einde komen aan de structurele oorzaken van die oorlog. Door de bezettings- en de koloniserings- en het apartheidsbeleid van Israël een halt toe te roepen. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Boycott Israël! Boycott Israël! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Alors tout le monde, on va commencer par le cortège. La pluie nous invite à nous bouger et à nous réchauffer. On va vous demander de marcher là tout droit et on va marcher ensemble en prenant soin les uns des autres. So we'll start the march to warm ourselves. We're going this way. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، في هذه في هذا التجمع سنبدأ الآن بالمسير من جهة اليمين وسننطلق لمسافة محددة وبعد ذلك سنعود إلى هذا المكان لنستمع إلى بعض الكلمات. نشكركم نشكركم على حضوركم بكثافة في هذا التجمع المناصر لشعب فلسطين المقاوم والذي يقاوم الاحتلال. لا سلام مع احتلال، لا سلام مع احتلال. وشكرا، ألف شكر لكم على هذا الحضور، وسنبدأ الآن بمسيرتنا، وإن شاء الله النصر النصر النصر لشعب فلسطين، وشكرا لكم. We need to leave that way. So we will start the demonstration. On va commencer avec le cortège. Tout le monde doit se diriger cette direction, rue Froissart, s'il vous plaît. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Gaza, Gaza, don't you cry! Gaza, Gaza, don't you cry! Palestine will be free! Palestine will never die! Palestine will never die! Israeli criminal! Boycott Israel! Ladies and gentlemen, الرجاء نمشي خطوة الشارع لتحت، نبتدئ المشي. السلام عليكم.